вечер на всички. Благодаря ви за това, че дойдохте. Не в голямата зала сме този път. В бъдеще сигурно ще се прехвърлим, но по-малката зала понякога дава по-добър контакт и близост към една много важна тема. Сигурно забелязвате промяната този път. Цикълът ни вече свършихме с Европа тук и сега. Не защото в това има някаква ирония, че вече до толкова сме в Европа или до толкова сме се отдалечили, че предишното заглавие на цикъла няма значение. Напротив, този път ни се иска наистина да се насочим и към нещо важно, което интересува хората и доста дори по-позитивно. Европа минава на зелено, на български има същата двусмислица, каквато и на френски. Дано всъщност наистина да минаваме само на зелено, да нямаме много червени точки по пътя. Тъй като обаче ще говорим за Натура 2000, всички в залата, предполагам, веднага освежават паметта си с невероятно много публикации и сблъсъци до някъде по тази тема. Искам и си сега обаче да представя моите гости и нашите гости тази вечер. Първо да кажа, че тляво е господин Люк Бодигел, който е ръководител на изследвания в лабораторията по право и социална промяна в Френската академия на науките, СНРС, и в университета в Нант. И дискутант е Андрей Ковачев, едно добре познато лице от различни екологични дискусии. В момента той е съпредседател на партията Зелените, така в политическа функция го представя, но сега да го представя в експертна. От 91-ва е член на Сдружението за дивата природа Балкани, един от инициаторите в гражданската коалиция за да остане природа в България, много активно свързан с освояването, да го наречем така, на мрежата Природа 2000 в нашата страна. Тук виждам, че е отбелязано, че той наистина е работил за опазване на местообитанията в райони в Западна България, Родопите, Средна гора, Централен Балкан и по Черноморието. Има и експертен опит от участие на конференции, посветени на Натура 2000 пред Европейската комисия. Интересно ще бъде да сблъскаме двете неща. Не искам да губим много време, защото може би знаете, че след нашата дискусия, след конференцията на Люк Бодигел и след дискусията в залата, ще има филм. Това е новостта на цикъла тази година. Може би си спомняте за Ян Артюс Бертран, изключително интересен френски фотограф с един поглед отгоре. Това ще стане обявено по принцип за 9 часа, но ни е необходимо малко време, затова ви предлагам наистина максимално да се възползваме от експертното мнение на участниците и дискусията да бъде по-енергична и мотивирана, както винаги е стало на нашите дискусии. Сега искам да дам думата на Люк Бодигел. Неговата тема е формулирана доста интересно. Експериментът ново местно управление чрез мрежата Натура 2000 звучи малко експертно, но от предварителния ни разговор можах да разбера, че той ще се опита да ни представи не просто самата мрежа Натура 2000 проекта. Ние знаем някои неща, разбира се, той ще го направи, а ще ни представи специфично френската гледна точка, защото Франция има много закони и дори понякога има противоречие. Казва, това и без това е защитено. Защо не е необходима Натура 2000? А тя е необходима. По друг начин ще отекнат проблемите, за да можем след това да сравним, да направим това сравнение между Франция и България и Европа, разбира се, което и целта. Давам думата на Люк Бодигел. Мерси. Мерси aux organisateurs, à l'ambassade de France et à l'Institut français. Ah oui, pardon. Donc bonjour, bonsoir plutôt. Merci à l'ambassade de France et merci à l'Institut français de m'avoir invité à discuter avec vous ce soir. Je vais essayer de vous proposer le fruit d'une réflexion et de recherche collective que nous avons conduit avec mon laboratoire sur Natura 2000, en essayant de vous dresser rapidement dans un premier temps ce qu'est le cadre Natura 2000, mais sûrement la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, j'irai assez vite. Et puis surtout, dans un deuxième temps, discuter avec vous de la particularité, en tout cas pour ce qui concerne la France, mais pas seulement, un certain nombre de pays européens ont fait le même choix, de mettre en place un système de gestion qui n'est pas un système de gestion centralisé, étatique, mais de mettre en place un système de gestion que l'on dit participatif. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le principe de participation issu notamment de la Convention internationale dite Aarhus. Donc, quelques mots d'abord sur Natura 2000 et ce qu'est Natura 2000. Donc, je vous ai mis un joli petit dessin de héron, comme on en voit un peu partout en Europe, hein, et qui a pour habitude de passer parfois de pays en pays sans trop s'embêter avec les frontières. Et Natura 2000 est justement fait, au moins au départ, pour eux, ces oiseaux qui migrent et qui ont besoin de lieux successifs de nidification ou simplement de vie en fonction des saisons. Donc Natura 2000, c'est d'abord et avant tout un réseau écologique européen fait pour protéger d'une part les oiseaux et pour protéger, d'autre part, dans un deuxième temps, je vous l'ai mis, en 92, les habitats. Alors évidemment, les habitats de certains animaux répertoriés localement et ratifiés ensuite au niveau de la Commission. Si on regarde les chiffres, je vous ai mis, il y a d'excellents sites de la communauté européenne là-dessus, ce n'est pas la peine, je crois, de trop insister. On a des chiffres 2007 que l'on peut trouver sur le réseau Natura que vous avez ici, plus de 21 000 sites Natura 2000 répertoriés en 2007, on en a encore plus maintenant, et plus de 650 000 km² couverts. Donc c'est un réseau écologique européen qui passe par, on va dire, une moulinette dont l'Europe a souvent le secret, de jeu d'aller-retour entre les États et la Commission, de manière à ce que, d'une part, les États puissent véritablement répertorier leurs sites sensibles, en tout cas au vu de la biodiversité, et en même temps, la Commission de contrôler ce que les États font. En tout cas, c'est le principe, c'est la règle du jeu. On a deux directives cadres, la directive oiseau, la directive habitat. Les deux n'ont pas et ne répondent pas aux mêmes procédures. La protection des oiseaux bénéficiant d'une protection plus nationale ou d'une procédure plus nationale, la directive habitat, mais qui est en fait la véritable directive Natura 2000, elle passe par les fourches codines d'une commission assez sévère. Voilà. Juste pour situer un peu le contexte. Donc, un réseau écologique européen très encadré, mais surtout la mise en place, et avant tout la mise en place, de zones de protection, et de zones de protection que l'on pourrait inscrire aujourd'hui de protection de la biodiversité en général, puisque Natura 2000 a vocation à devenir un cadre d'application de ce que l'on appelle la stratégie de protection de la biodiversité européenne. Donc, le cadre, je vous ai mis l'une des phrases clés que l'on peut trouver dans la directive de 92. Hein, les États membres doivent prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration et les perturbations. Ce qui est vraiment intéressant dans cette phrase, c'est de bien voir que l'on n'est pas dans un régime autoritaire où l'Europe vient dire « faites ceci, faites cela », mais on est bien dans l'esprit d'une directive en disant « je vous fixe des objectifs, à vous, État, de prendre les moyens pour les atteindre ». Et un réseau écologique européen qui a pour vocation de s'inscrire dans la stratégie communautaire pour la biodiversité. Je me suis amusé juste à lister les quelques textes, mais il me semble que pour ceux qui s'intéressent un peu à, je dirais, l'infrastructure législative européenne, c'est intéressant de voir que Natura 2000 vient s'insérer dans cette stratégie globale de protection de la biodiversité. Donc avec un petit schéma, avec un petit dessin d'enfant qu'on peut trouver, puisqu'il y a beaucoup de travaux pédagogiques sur la question. Alors, la question centrale de Natura 2000, on a vu un réseau écologique, on sait à peu près pourquoi faire, protéger la biodiversité, plus particulièrement les oiseaux et les habitats. D'ailleurs, c'est intéressant, on protège la nature, on ne protège pas l'espace, véritablement, on protège la faune et la flore à travers les animaux et les lieux d'habitation des animaux. Un réseau écologique européen, donc, qui a la particularité de laisser entre les mains des États non seulement les mesures de gestion, je vous ai dit trouver les mesures appropriées, mais aussi les modalités de cette gestion. Or, on n'est plus véritablement dans la logique que l'on avait dans les années 70 ou 80 et qui disait la protection de la nature passe par ce que l'on appelle chez les juristes en tout cas des règles de police, c'est-à-dire des autorisations et des interdictions générales qui s'appliquent à tous. On est dans une vision, alors nous on avait par exemple deux systèmes de protection en France, ce qu'on appelait la réserve naturelle, donc c'est un espace fermé à toute activité humaine, où on protège l'état de nature si jamais cela existe. On avait une solution un peu plus souple avec les parcs nationaux ou les parcs régionaux, mais là encore, c'est un instrument, au départ en tout cas étatique, assez lourd, avec des prescriptions lourdes pour ceux qui y habitent. Natura 2000, on choisit une autre voie, la voie participative. Et ça, on le fait évidemment parce que les mentalités ont évolué, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement, on n'est pas dans un conflit entre d'un côté des écologistes purs et durs et de l'autre côté des anti-écologistes ou écologistes. On est en train d'essayer de trouver, je ne sais pas si le mot est bien choisi, un juste milieu à une autre façon de fonctionner, en tout cas, de concilier ce que, derrière le concept de développement durable, on a appelé les volets environnementaux, sociaux et économiques. D'accord. Et l'idée de départ, l'hypothèse de départ, c'est de dire que si on veut concilier tout ça, l'activité de l'homme avec son environnement, l'environnement avec l'emploi, notamment local, et l'aménagement du territoire, et cet aménagement du territoire avec le développement économique, c'est-à-dire cette trilogie, si on veut réussir à les concilier, il faut un maximum d'acceptabilité sociale. Ça veut dire qu'il faut que les gens, localement, soient d'accord avec les règles du jeu, tout simplement. Et pour cela, là on est vraiment dans la logique du développement durable, pour cela on va mettre en place des mécanismes de participation, c'est-à-dire où la plupart des acteurs vont pouvoir intervenir, participer à la décision. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait en France, après avoir été condamné plusieurs fois parce qu'on ne mettait pas en place le texte, hein, évidemment. On est les champions du refus de mettre en place les textes environnementaux. On a donc décidé de mettre en place cette gestion participative et c'est là-dessus que j'aimerais discuter aujourd'hui. Quelle gouvernance ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Pour quelle participation ? Pourquoi ? Pour qui ? Et on pourra en discuter avec les intervenants aujourd'hui. Alors, je vous propose ce questionnement. Hein. Moi, je reste au stade des questions. Étant chercheur et pas politique, j'ai l'avantage de ne pas être obligé d'aller jusqu'à la décision. Je vous propose donc ces réflexions que l'on a conduites à partir d'une analyse de texte, je précise, et en même temps de démarches sur le terrain, sachant que la situation en France est la suivante. Les zones Natura 2000 sont désormais pratiquement toutes délimitées. Les procédures de délimitation sont terminées. En revanche, la procédure qui conduit à fixer les objectifs et à élaborer les mesures de gestion à mettre en place est encore, on va dire, est à peu près à la moitié pour l'ensemble du territoire français. Par conséquent, c'est encore trop tôt pour dresser un bilan et pour savoir véritablement dans quelle mesure le système va être efficace. Tout ce que l'on peut regarder, c'est aujourd'hui comment les acteurs se sont saisis de la question et qu'est-ce qu'ils ont dit. Et c'est pourquoi je vous proposerai à la fois des éléments généraux qui sont fondés sur les textes et en même temps quelques paroles d'acteurs qu'on est allé voir sur deux sites qui se trouvent pour ceux qui connaissent un peu la géographie française, qui se trouvent dans le nord-ouest de la France, juste au sud de la Bretagne. On n'est pas tout dans le nord, On est presque au milieu, mais quand même dans le nord, puisqu'on est au-dessus de la Loire. Donc deux terrains, la Grande Brière et le lac de Grandlieu. Peut-être deux caractéristiques essentielles et importantes, puisqu'on en a discuté tout à l'heure et que ça semblait être important. La Grande Brière, c'est une grande zone humide, caractérisée par une population qui est restée très attachée à sa tradition, très fermée sur elle-même, et qui supporte très très mal l'intervention extérieure, que ce soit celle de l'État ou des associations de protection de l'environnement. Peut-être encore pire pour les deuxièmes. Le lac de Grandlieu, c'est l'un des plus grands lacs d'Europe de plaine, totalement fermé ou quasi totalement fermé aux activités anthropiques, aux activités humaines. Une grande partie est gérée en réserve naturelle, c'est-à-dire donc un système totalement fermé. Et on essaie quand même de mettre en place une zone Natura 2000 à cet endroit-là, avec des cristallisations. Alors, d'un côté comme dans l'autre, on a des oppositions qui conduisent à des batailles rangées avec les poings, voire même parfois avec les fusils ou en brûlant quelques petites maisons par-ci, par-là. Donc ça peut être assez vivant. Donc, en trois points, une gouvernance locale. Quelle est la gouvernance qui a été instaurée ou quelles sont les modalités de gestion qui ont été instaurées dans le dispositif Natura 2000 français, en application de des directives européennes. D'abord, le choix d'une gouvernance locale moins centralisée, puisque on a eu dans un premier temps un préfet. Alors le préfet chez nous, c'est donc le représentant local du gouvernement. On a eu dans un premier temps un État local, donc le préfet qui intervenait beaucoup, qui décidait, qui était président généralement des comités de pilotage, comme on les a appelés. Aujourd'hui, c'est terminé. L'organe de gestion de chaque site Natura 2000, appelé comité de pilotage, est présidé normalement par un élu des communes ou des collectivités territoriales, c'est-à-dire des organes décentralisés. Donc, ces comités de pilotage locaux qui gèrent, je répète bien, chaque site Natura 2000, sont des autorités qui sont autonomes, indépendantes de l'État, élus locaux. Et ces élus locaux ne sont pas tout seuls, puisque non seulement on a le choix d'une gouvernance locale moins centralisée, mais on a le choix d'une gouvernance locale assez large. Alors, si on regarde les textes, on a une petite ambiguïté. D'abord, on a l'impression que cette gouvernance locale, elle est instaurée uniquement pour les élus locaux et pour les propriétaires fonciers, ce qui est une certaine vision de la protection de l'environnement par la propriété. Mais en fait, le préfet, c'est lui qui fixe, qui détermine les personnes qui vont rentrer dans le comité de pilotage, est plus ou moins politiquement obligé d'intégrer d'autres personnes, notamment, on va trouver les chasseurs. Pour la Brière, c'est indispensable. On ne met pas une zone Natura 2000 sans les chasseurs en Brière. Les pêcheurs, la réserve naturelle, les associations de protection de l'environnement, etc., etc. C'est-à-dire pratiquement toutes les personnes intéressées, qu'elles soient issues des organes publics ou des organes privés, et qu'elles viennent du mouvement associatif, de mouvements plus institutionnels. Évidemment, la seule chose que l'on n'aura pas, ce sont des individus. Il va falloir qu'il y ait une certaine forme de représentativité. Mais dans l'ensemble, lorsque l'on regarde les compositions de comités de pilotage, je vous en donnerai des exemples, c'est assez large. Et là, on est vraiment exactement dans l'esprit de ce qu'on appelle la participation du public, la gouvernance tel que ça a été traduit en sciences sociales, puisque ce mot vient plutôt du droit des affaires, qui dit participation des acteurs publics et privés. Ça, c'est la vision, je dirais, textuelle, théorique. Donc, une gouvernance qui est instaurée par les comités de pilotage et une gouvernance qui est aussi instaurée parce qu'on a mis en place des règles d'élaboration des mesures de gestion, elles aussi participatives. Parce que c'est facile de dire « je vous réunis tous autour de la table et on va discuter ». Mais si je vous dis « que l'on va discuter pour qu'on prenne la décision ensemble, c'est quand même un autre niveau de participation. D'accord. En principe, c'est ce qui est prévu dans Natura 2000. Tous les membres du comité de pilotage vont, avec le président, collectivité territoriale, décider des mesures de gestion à prendre. À deux niveaux. Premier temps, premier pas, ce qu'on appelle la fixation du DOCOB, du document d'objectif. Alors ce document d'objectif, c'est un document qui fixe, d'abord, qui est fondé sur un inventaire écologique, économique, social. Sur la base de cet inventaire, on dit voilà les objectifs de protection de la biodiversité sur Natura 2000. Troisième niveau, voilà les actions que je vais conduire. C'est souvent là, d'ailleurs, que les documents d'objectifs sont les plus prudents. Donc, premier stade de la concertation, de la recherche de participation, travaille sur les objectifs. Et puis aussi pour les mesures plus opérationnelles, parce que derrière les fiches actions, derrière les objectifs opérationnels que l'on trouve dans les DOCOB, on doit en principe trouver les moyens d'y accéder, et notamment les moyens financiers. Alors, je dis on doit, on devrait trouver, parce que en fait, quand on lit les DOCOB, ces documents d'objectifs, on les trouve plus ou moins. Alors, on les trouve plus ou moins parce que souvent, on appelle d'autres dispositifs qui ne ressortent pas de Natura 2000, ou alors on dit qu'on va se débrouiller pour trouver des enveloppes annuelles. Mais on ne sait pas, les enveloppes financières, bien sûr, les montants financiers. Donc on ne sait pas toujours dans quelle mesure les actions que l'on a fixées seront faisables ou pas. Mais en tout cas, dans les textes, théoriquement, on a bien une gouvernance parce qu'un comité local avec une participation large qui a effectivement des pouvoirs, on reparlera des pouvoirs tout à l'heure. Mais, ah oui, excusez-moi, il y a des petits problèmes formels. Mais on a quand même une gouvernance locale qui est légèrement déséquilibrée. D'abord parce que ceux qui ont le pouvoir, ce sont les collectivités locales, quand on regarde d'un peu plus près. Donc les organes décentralisés. Et les élus locaux, on verra, vous le savez, ne sont pas toujours les mieux placés pour résoudre les problèmes locaux, ne serait-ce que parce qu'il y a des pressions plus importantes. Alors, ces conseils municipaux, les communes, les villes, si vous préférez, interviennent au moment où on désigne les sites, où on les a circonscrits, et puis interviennent aussi parce qu'ils sont, ou leur représentant est le président des comités de pilotage, et aussi parce que c'est eux qui vont désigner l'un des acteurs clés des comités de pilotage et de la gestion des sites Natura 2000, celui qu'au départ on appelle l'opérateur puis l'animateur et qui est en fait la structure qui va gérer le site. Et généralement, évidemment, la collectivité territoriale dominante va nommer ou va se débrouiller pour faire nommer l'organe qui lui est le plus proche politiquement, en tout cas en premier lieu. Donc, une gouvernance locale, oui, mais déjà, même dans les textes, elle est déséquilibrée. C'est peut-être bien, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide. Alors, en fait, si on regarde un petit peu de haut, cette structuration théorique de Natura 2000 et de sa gestion, on voit que on a déplacé un peu le problème, l'État se positionne autrement, on va le voir comment en pratique. Mais en fait, quand même, on a une structuration et une certaine hiérarchisation de cette gouvernance. Donc j'ai pris l'idée classique de la fusée. Bon, en bas, les citoyens que l'on fait venir dans le comité de pilotage, qui a voix au chapitre, qui peut parler, qui peut discuter, qui peut débattre. Au centre, rôle d'arbitre, la préfecture, c'est-à-dire le représentant de l'État, qui cadre les débats, et en haut, si on peut dire, aux manettes, aux commandes, les collectivités territoriales. Mais attention, ces collectivités territoriales doivent s'accorder. S'accorder avec le préfet parce que, en dernier lieu, c'est lui qui valide, c'est lui qui signe les textes. Donc, il faut quand même un certain consensus, on va en reparler aussi. Et puis, évidemment, les collectivités locales ne peuvent pas prendre des décisions sans l'appui des citoyens, parce que c'est l'essence même du processus Natura 2000. Si les citoyens, si les groupes de pression locaux ne se saisissent pas des mesures de gestion, des plans d'action, cela ne fonctionnera pas. C'est le présupposé, et c'est ce qui se vérifie en pratique lorsque les groupes de pression sont très forts. Alors justement, en pratique, juste des petits regards, on pourra en discuter peut-être après, c'est mieux. Faut me dire par rapport au temps, 19h30, ça va. Juste des petits flashs. Voilà. D'abord, est-ce que l'on a véritablement des comités de pilotage composés de façon large, faisant intervenir tous les acteurs? Donc c'est la première chose qu'on devait regarder. La réponse est oui. La réponse est oui. Que l'on regarde, on est allé voir donc sur le site Natura Grandlieu, sur le site Natura Grande Brière. Et dans les deux cas, on trouve, avec des modalités un petit peu différentes, l'État présent. Alors les sigles, c'est simplement les représentants, d'ailleurs ça a changé un petit peu maintenant, les représentants du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture, de la Pêche, ceux qui s'occupent de l'eau, etc., etc. Donc tous les acteurs concernés par la problématique environnementale et économique des sites Natura 2000, les collectivités locales, donc les organes décentralisés qui ont des compétences exclusives, distinctes de celles de l'État, des acteurs économiques, et ça c'est très important, et je répète, je dis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'exclure les activités économiques, il s'agit au contraire de tenter de concilier. Donc, dans les exemples que l'on a vus, les pêcheurs du lac de Grandlieu, il n'y en a plus que 7. Ça peut paraître ridicule, mais c'est un marché totalement fermé. Comment est-ce qu'on réussit à les intégrer? Et ils gèrent la ressource, ils participent à la gestion de la ressource. Notamment, par exemple, une problématique, pour donner un peu de concret, on a dans le lac de Grandlieu des écrevisses qui viennent de Floride. Elles mangent tout le poisson. Elles détruisent toute la flore. Eh bien, les pêcheurs, par leur activité, vont pouvoir soutenir les actions contre ces prédateurs. Bon, un exemple parmi tant d'autres. Est-ce qu'on les aide pour faire ça? Comment on les aide? Les associations. Donc, on va trouver partout l'une des plus grosses associations qui est la Ligue de protection pour les oiseaux. Et c'est normal, puisque c'est la directive oiseaux qui est à la base de Natura 2000. Et puis des scientifiques qui tournent un peu, hein, parfois. On les remplace facilement. Peut-être parce qu'ils ne sont pas assez assidus, je ne sais pas. Voilà, on retrouve la même chose, donc à peu près, fait de façon différente, mais identique. On retrouve à peu près tous ces collèges dans la plupart des sites Natura 2000 français. Donc une gouvernance locale effective, au moins dans la composition. Une gouvernance aussi assez effective, je serais assez positif de ce point de vue-là, dans la recherche de consensus. C'est-à-dire que, véritablement, on a épluché les procès-verbaux, avec toute la difficulté, je le dis là, sur le plan méthodologique, les procès-verbaux sont forcément réalisés par quelqu'un, et notamment par les représentants de l'État ou les représentants des collectivités locales. Et donc, vous le savez bien, un procès-verbal n'est pas neutre en soi. Il ne s'agit pas d'ailleurs de procès-verbaux à la minute, ça se voit très bien. Il s'agit de procès-verbaux de synthèse. On peut mettre des choses, en oublier d'autres. Mais bon, c'était les outils que l'on avait, avec toute la limite qu'ils ont. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que véritablement, on a cherché un consensus. Les acteurs ont cherché à discuter, mais un peu, et ça c'est typique en France, un peu par fatalisme. Pourquoi ? Bon, vous connaissez les caricatures sur les Français, donc dès qu'ils ne sont pas contents, ils grognent, d'accord. Et puis, l'autre caractéristique, c'est qu'ils détestent qu'on leur impose quelque chose. Mais peut-être que c'est tous les peuples comme ça, hein, mais bon, nous, on a réussi à développer une belle image dans la matière. Et donc, c'est un peu par fatalisme que l'on arrive au consensus. Et j'aimerais juste vous citer la phrase que je vous ai mise. Une des personnes de la société civile, si je me rappelle bien, membre d'une association de pêche, dit « Mais comment est-ce qu'on va prendre la décision ? C'est quoi les règles ? C'est quoi les règles de la prise de décision ?» Parce qu'on en est là, on est au tout début, on ne sait pas. Et l'administration, le représentant du préfet, c'était le sous-préfet, nous sommes condamnés au consensus, sans acceptation sociale des mesures proposées, aucune gestion du site n'est possible. Donc on voit bien que on va y arriver, on va le faire, mais il va falloir peut-être attendre un petit peu d'avoir la culture du consensus, et là-dessus on n'est pas très très doué. Mais on va apprendre. En tout cas, c'est ce que montrent les procès-verbaux. Et là, je vous dis, c'est un flash parce que je ne ferai pas faire de bilan là-dessus. Et je pense que ça peut être très différent d'un site à l'autre. Alors, le problème, c'est quand même qu'on peut être très optimiste d'un côté en disant, oui, on applique bien les textes. Et puis, quand on regarde un petit peu plus près, on se dit qu'il y a quand même un certain nombre de fragilités. Fragilité qui est d'abord due à la difficulté que l'on a, en tout cas en France, de décentraliser et véritablement de lâcher le pouvoir. C'est-à-dire que l'État, et notamment les représentants du ministère de l'Environnement, pardon, ont parfois de la peine à lâcher leurs prérogatives, d'autant plus que c'est eux qui ont d'abord eu le pouvoir en la matière. Donc on est dans un temps de transition où l'État doit lâcher pour donner aux collectivités territoriales. Et que les collectivités territoriales ne sont pas forcément compétentes. Donc le pouvoir d'expertise, c'est l'État qui l'a, ou les groupes socio-économiques, et les collectivités territoriales doivent récupérer la sauce. Récupérer le paquet. Et ça, c'est difficile. Et ça se retrouve en pratique, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? En 2005, on a dit « ce n'est plus l'État, ce sont les organes décentralisés ». Eh bien, rien n'a changé dans les compositions de comités de pilotage. Le représentant du préfet est toujours le président des comités de pilotage. Et généralement, l'animateur ou l'opérateur est à la botte ou en cheville, ou en tout cas bien lié à l'État. Donc, première fragilité. Deuxième fragilité que l'on peut relever, je crois que je les ai mis, voilà. Ah non, ça, je vais le passer parce qu'on n'aura pas le temps, on y reviendra après. Deuxième type de fragilité que l'on va avoir, ce sont les revendications corporatistes. Évidemment, quand je mets des acteurs locaux autour de la table, eh bien, le propriétaire riverain va dire « moi, je ne veux pas d'autoroute » ou « quand est-ce qu'on met une barrière pour les animaux ?» C'est-à-dire que les chasseurs vont dire « touchez pas à mon gibier », etc. Les agriculteurs, évidemment, n'en parlons pas, particulièrement présents et puissants en France, vont dire « je ne veux pas de contraintes », après, on peut discuter, etc. Donc, on va avoir des revendications corporatistes successives, notamment, en tout cas, c'était le cas en Brière, où on a eu des riverains qui s'opposaient à des projets d'infrastructure systématiquement et qui bloquaient le processus de décision. Deuxième élément très important, la faiblesse du positionnement des acteurs locaux. Je ne sais pas si c'est dû à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire au fait que les procès-verbaux ne sont pas dressés par des acteurs, mais par les représentants de l'État. Mais en tout cas, dans la plupart des procès-verbaux étudiés, c'est-à-dire 3 ans de procès-verbaux, on les voit très très peu intervenir. Les associations de protection de l'environnement sont quasi absentes. Et on ne sait pas trop pourquoi. n'en dirai pas plus, on ne sait pas. Il aurait fallu être à l'intérieur, et pour aller à l'intérieur, c'est assez compliqué. Et puis, troisième élément, et peut-être sans doute le plus gros problème qui va se poser à l'avenir, c'est la frilosité, la peur, ou le clientélisme, appelez-le comme vous voulez, des collectivités territoriales qui, un peu encadrées par leurs problématiques d'élections locales, vont peut-être devoir éviter de soulever certains problèmes pour continuer à avoir le pouvoir local. Je pense notamment dans le lac de Grandlieu, on va éviter de parler, par exemple, de la lutte de la dératisation, qui est un problème, un conflit sur place, ou du niveau de l'eau, qui est un gros conflit entre ceux qui veulent relever le niveau de l'eau, ceux qui veulent le baisser, etc., ce qui a des impacts sur l'agriculture, sur les propriétaires riverains, sur l'activité de pêche, et évidemment sur la protection de la biodiversité. Donc, dans quelle mesure les collectivités territoriales seront capables de dépasser les enjeux locaux et les conflits locaux, eh bien, ça, c'est du cas par cas. Et donc, ce que je pense, c'est que ce sera quasiment impossible de savoir dans quelle mesure les Natura 2000 a un impact positif ou négatif. On pourra dire sur tel site, la gouvernance locale a fonctionné, et sur tel autre, cela n'a pas fonctionné. Ce sera difficile d'avoir des leçons générales. Alors, une gouvernance locale mise en place par les textes, qui est retraduite en pratique, avec les fragilités que j'ai mentionnées, mais quel est son pouvoir? Parce que, vous le savez, en principe, la loi, elle est générale, abstraite et impersonnelle. C'est comme ça qu'on la qualifie chez nous. C'est-à-dire qu'elle vaut pour tous, qu'en principe, on ne peut pas y déroger. Et qu'en plus, normalement, si jamais il y a un souci, on peut toujours aller réclamer devant les tribunaux l'application de la loi. Ici, on met en place un mécanisme qui donnerait à des citoyens sur un site donné le pouvoir de fixer des règles du jeu. Dans quelle mesure ce n'est pas incompatible? Donc ça, c'est un vrai problème. Problème en termes d'organisation institutionnelle, et problème en termes d'élaboration de la loi. Qui fait la loi? Imaginons qu'on ait des textes différents sur tous les sites Natura 2000 en France, sur tous les sites Natura 2000 en Europe. Aucune transparence. Comment on évalue les... Ce sera l'obscurité la plus complète. Alors, je vais essayer de regarder avec vous simplement un tout petit peu dans quelle mesure ces gouvernements locaux, et je mets vraiment des guillemets, hein, peuvent agir. Alors, ils agissent sous la direction, on va dire, sous le chapeau européen. Et le chapeau européen, que ce soit la directive de 92 ou celle de 79, vont imposer quand même des règles générales qui vont être traduites par des interdictions ou des autorisations. Interdiction de commercialiser les oiseaux de tel type d'espèce. Interdiction de tuer ou de chasser à tel endroit, à tel moment, etc., etc. Donc interdiction surtout, et je sais que ça vous préoccupe, c'est pour ça que je l'ai mis, de réaliser certains travaux, et notamment certains travaux immobiliers, parce qu'évidemment ça porte atteinte à la biodiversité. Alors quand même, vous noterez l'expression relativement floue du texte, parce qu'il faudrait que les travaux affectent de façon notable le site Natura 2000 pour qu'il soit interdit. Affecter de façon notable, on peut l'interpréter de façon différente, plus ou moins stricte. Donc après, il faut aller regarder les lois nationales, d'accord, pour savoir dans quelle mesure l'interdiction est sévère ou pas. Donc, des règles générales, quand même, avec des règles de police, des règles d'autorisation, etc. Le droit français, lui, il reprend ces règles-là, il les traduit. Si vous allez dans une site Natura 2000 et que vous voulez construire une résidence, vous allez vous trouver face à votre maire, face à votre commune. Vous dites, voilà, je voudrais construire ma maison, je voudrais construire une auberge, un hôtel. Est-ce que je peux ? Traditionnellement, c'est chez nous la commune qui délivre l'autorisation, le permis de conduire, sauf si c'est des éléments commerciaux, par exemple. Mais on ne va pas trop avoir des problématiques du type grande surface dans les zones Natura 2000 en France, parce que c'est vraiment des sites très, très particuliers. Ça sera possible en zone périurbaine, mais il existe très peu de sites Natura 2000 dans ce cas-là. En tout cas, si vous allez voir votre maire, il va dire « Si tu n'avais pas été en zone Natura 2000, j'aurais pu te dire oui, mais tu es dans une zone Natura 2000, la construction que tu me proposes affecte de façon notable la biodiversité et je ne t'accorde pas le permis. Ou je te l'accorde à condition que... » Parce que, je vous rappelle, on est dans un processus de conciliation. Et le maire, il va se référer au document d'objectif élaboré par le comité de pilotage, donc par tous ses acteurs. Solution idéale, vision idyllique. Donc, ces règles générales, elles s'appliquent en France. Attention, elles s'appliquent, mais en fait, Natura 2000 ne fait que rajouter une couche de protection. Parce qu'en la matière, ce n'est pas vraiment Natura 2000 qui est un problème ou qui est un obstacle à la construction. C'est le droit d'urbanisme et le droit commun de l'urbanisme, d'accord, qui déjà pouvait être un obstacle. Mais Natura 2000 vient renforcer, c'est-à-dire qu'on relie les autorisations qui sont issues du droit de l'urbanisme avec la protection de l'environnement, et l'alliance des deux fait que le maire est obligé de regarder le document d'objectif. D'accord ? Ça, c'est plus théorique peut-être, mais ça peut intéresser certains. Donc, ces règles générales, elles s'appliquent. Elles s'appliquent et en plus, les comités de pilotage vont pouvoir avoir une possibilité de faire du droit. Alors, c'est ce que je vous ai mis. Elle le fait dans les documents d'objectifs parce qu'elle, quand même, elle définit les règles de gestion locale. Elle définit l'inventaire de base. Elle définit les mesures d'action. La seule chose et la seule limitation du pouvoir en la matière, c'est qu'elle n'a pas forcément les financements et qu'il faudra qu'elle aille les chercher. Mais elle fixe bien les règles de gestion locale. Et en ce sens, on a l'expression d'une certaine forme de pouvoir réglementaire. On peut discuter, les théoriciens peuvent discuter du véritable caractère réglementaire, mais il se trouve quand même qu'il fixe des règles du jeu. Et donc, c'est comme si, un peu sans le savoir, l'État, sous la Coupe de l'Europe, avait donné une petite parcelle de souveraineté à ses collectivités citoyennes locales. Et cela est d'autant plus vrai que le préfet qui signe les actes qui généralement découlent des décisions des comités de pilotage, le préfet est lié par l'avis du comité de pilotage. Il doit les suivre. S'il ne veut pas les suivre, il va devoir passer par une procédure d'opposition, etc. Donc l'État est véritablement lié au travail que fait le comité de pilotage. Alors, conclusion. Conclusion générale. On a bien un gouvernement local pour Natura 2000. Première idée. Ce gouvernement a bien la possibilité d'agir et, d'une certaine façon, de créer un droit local. Attention, ce pouvoir est forcément imparfait. Le préfet reste là quand même pour veiller au grain. Les comités de pilotage ne peuvent pas aller au-delà de leurs attributions, les actions Natura 2000, les objectifs qu'ils ont fixés dans le document d'objectif, et surtout, principe de hiérarchie des règles, les comités de pilotage ne peuvent pas s'affranchir de l'ensemble des règles d'ordre public, c'est-à-dire ces règles générales qui viennent de l'Europe ou qui viennent de l'État, ou des deux, hein, et qui sont applicables à tous. Le comité de pilotage ne peut pas déroger à la règle applicable à tous. Donc voilà les trois éléments de conclusion qu'on peut discuter et que je pense, et que, en tout cas, l'équipe de chercheurs à laquelle j'appartiens espère continuer à discuter en allant maintenant voir sur le terrain où les comités de pilotage en sont, qu'est-ce qu'ils ont véritablement mis en place Et avec une question principale, est-ce que Natura 2000 a véritablement apporté quelque chose en matière d'argent, par exemple, en matière financière? Ce n'est pas certain. On a plutôt tendance à penser qu'on va chercher de l'argent là où il y en avait déjà, sauf qu'on le met sous le toit de Natura 2000. Et puis, dans quelle mesure on n'a pas des situations complètes de paralysie ou de blocage, où on fait croire qu'on fait quelques petites choses, par exemple protéger telle espèce de chauve-souris sur un endroit donné, mais par contre, pour ce qui est de la conciliation véritable des activités économiques, on essaie de ne pas trop faire de vagues. Voilà les deux questions principales qui nous restent encore à aller chercher, à aller interroger. Voilà, je vous remercie de votre attention. Също искам да благодаря на Люк Бодигел за неговата лекция. Няма да обобщавам, но по традиция винаги се казват няколко думи. Докато го слушах, си мислех за френски опит, който може би се базира върху правилото винаги забранено да се забранява. Бях наистина впечатлен как изискванията на Тура 2000, които ние вече познаваме в България, могат да бъдат съгласувани или съвместени с френското законодателство. Той каза, разбира се, да не идеализираме винаги правилото. Разбира се, че има много изключения, но все пак за мен беше поне много интересно и сигурно сега ще стане за това дума в дискусията. Как при една добре очертана, функционираща обаче местна власт, тези въпроси могат да се поставят? В който все пак префект или представителя на централната власт е арбитър, той подписва обаче, как отгоре, както ни обясни Люк Бодигел, все пак има съветници, които решават. И обърнахте сигурно внимание на това, че Натура 2000 въобще не е всичко в френското законодателство. Не само, че има закони, но те си съществуват и се прилагат като правила. А пък от друга страна, както виждате, французите не обичат да им налагат прекалено много правила. Дори ето те се питат дали парите за Натура, дали Натура 2000 дори дава нещо като, не само като сигурност, но и като пари. Интересно е да се проблематизира всяка рамка, искам да кажа, защото бях впечатлен от заключението на този местен представител, който смята, че те са осъдени буквално на компромис. Сега ще попитам нашия дискутант Андрей Ковачев, ние в България осъдени ли сме на компромис? Не обречени, осъдени точно, като съдебна процедура имам предвид. Защото като че ли тук Натура 2000 се възприема, аз не знам как да кажа, като не просто като някаква рамка, едва не като някаква библия, която трябва да се приложи, но имам чувството, че понякога това е нещо, което се случва на жълтите павета, нали? А не се случва на място, където ние нямаме тези 7 рибари, които чухме преди малко, които защитавайки правата си, защитават обаче и природата. Струва ми се, че е доста по-различно. Не знам сега, очаквам гледната точка на един природозащитник и човек, който пък реално се бори за Натура 2000. Ние се опитахме тук да проблематизираме. Това е интересно да дискутираме с Люк Бодигел. България със сигурност е различна. И много от тези разлики проистичат не само от самата структура на управление на Натура 2000 в България, но и от въобще управлението и начина, по който се управлява самата държава. В България Натура 2000 е може би най-известна в цяла Европа, в смисъл най-популярна сред хората в България, в сравнение с другите европейски страни. Доколкото множеството протести и медийни изяви в тая посока способстваха хората да се запознаят, че такава мрежа съществува. Общата публика в повечето европейски страни не знае за Натура 2000, примерно не повече 10-15% въобще са чували, че има такова нещо. Докато в България 80% от хората са чували за мрежата Натура 2000. И в това отношение само Финландия има подобен резултат. Но социологичните проучвания в България показаха, че основно хората в големите градове твърдят, че познават мрежата Натура 2000, какво представлява тя и съответно имат положително отношение към нея. Докато извън големите градове, т.е. местата, където реално се намират Натура 2000 местата, хората или имат отрицателно отношение, без да са много наясно какво представлява Натура 2000, или просто имат едно индиферентно отношение, точно поради същата причина. Не знаят какво значи това. В България самия процес на определене на Натура 2000 местата беше силно централизиран. Както в общи линии ние е централизирано цялото устройство на държавата. Поради тази причина и процесът не можа да избяга от устройството на държавата и беше проведен на централно равнище. Тоест, определенето на местата изцяло беше проведено от правителството на Република България, което къде доброволно, къде леко поради своята пасивност остави неправителствените природозащитни организации да се занимават с тази работа. Така се получи, че към края на 2006 година, когато процесът за определение на Натура 2000 местата трябваше да приключи, реално за този процес знаеха основно кръга от професионалисти, които работеха по тази тема и Министерство на околната среда и водите. Много от местните хора даже не бяха чули, че ще има такова нещо. Част от бизнеса и местните общини даже да бяха чули, съвсем съзнателно криеха и пренебрегваха процеса с идея да могат да водят своя бизнес, който в много общини в България не мога да се каже, че бизнес на местните общности е бизнес на олигарсите, които инвестират в тези райони. Всичко това породи конфликтите в края на 2006-та, когато от една страна природозащитниците, подкрепени от немалка част от общественото мнение, даже преобладаващата част от общественото мнение в страната, се бориха за изграждането на една доста обхватна екологична мрежа в териториален смисъл, подкрепени също на места и от местните общности, искам да кажа. Имаше и много случаи, в които местните общности се включиха и активно при това в подкрепа на мрежата Натура 2000. Главно защото вече се бяха сблъскали директно с този неустойчив бизнес, с бизнеса на олигарсите и се надяваха по този начин да спрат съответните олигарси да унищожават техния район. Но от другата страна застанаха олигарсите с цялата им финансова машина, купаните местни власти, които са им подчинени в редица от районите, и съответните местни групи хора, главно собственици на земи, които получават полза от този сенчес бизнес, главно бизнеса свързан с строителство и след това спекулативна продажба на имоти, която се шири в момента в България. Все още се шири. Ще спре, да. Имам икономически криза. Това, което в крайна сметка се случи, че българското правителство се опита да пасува и да балансира между един и другия натиск. И в крайна сметка нещата се решиха не тук, а от Европейската комисия. Ние все още нямаме абсолютно никаква практика по управлението на Натура 2000 зоните. Имаме съвсем няколко ограничени дейности и проекта, които са насочени към създаване на планове за управление, подобно на това, което чухте, че и там се прави във Франция, които би трябвало да определят целите на управление на съответните защитени зони и мерките за управление. Има само няколко пилотни проекта на този етап. И имаме две години опит в опитите си да прилагаме тези процедури, в които се решава дали един проект може да се изпълни или не в Натура 2000 зоните, когато даден инвеститор иска да изпълни такъв проект. Имаме едно току-що влязло законодателство, което ще се опитам да анализирам до какъв тип структура на управление води. Значи, трябва да. Аз ще се опитам да направя едно малко по-ясно разграничаване между двата типа процедури на управление, които съществуват за Натура 2000 зоните. Едното това е така наречената превантивна защита, т.е. изискването да не се допуска увреждане на тия зони и на видовете и местобитанията, които там се опазват. И от друга страна, това са онези мерки, които ние активно трябва да прилагаме там, за да опазваме видовете местобитанията, но и от друга страна да развиваме икономическите дейности, от които могат да получават полза местните общности. Това са два различни стълба на управление. Вие сами чухте, че във Франция преценката за първото нещо, дали дадени проекти могат да се осъществят или не, се прави от кмета, доколкото разбрах, на съответния район. В България тази функция е изцяло дадена на предоставяне на органите на централната власт. В случая Министерство на околната среда и водите или техните регионални поделения, но отново поделения на Централното министерство. Аз бих казал, че в България няма шанс подобна отговорност да бъде пренесена до местните власти поради една проста причина. Изключително ниския капацитет. Сами знаете, че в момента нашите общини са толкова раздробени, и с толкова нисък вътрешен, включително икономически потенциал, че те не могат да покрият базични изисквания от гледна точка на ресурс на хора за своето управление, да решават съвсем по-прости проблеми, пакамо ли да се занимават с подобни неща. Факт е и, че държавните органи също имат изключително нисък капацитет. Бидейки експерт в тази област, мога да кажа, че по-голяма част от служителите в тези централни органи, голяма част от тях няма добро разбиране за европейските директиви и не могат да ги прилагат. Ние имаме един феномен, който ще е абсолютно чуш на Франция, но преди 5 дена министърът на околната среда и водите издаде инструкции до тези свои регионални тела. Администраторите, тези, които ръководят регионалните инспекции по околна среда и водите, когато трябва да вземат решение в тези процедури, не само да не се допитват до който да е било друг извън своите регионални инспекции, но даже да не се допитват до собствените си експерти в регионалните инспекции, които отговарят за Натура 2000. И ще ви обясня защо това се случва. Просто все пак най-малко част от тия експерти са природозащитници по душа. И на редица места правят проблеми на съответните мутренски проекти. Давайки ясни становища, че тия проекти не трябва да се случват на Натура 2000. Примерно водно-електрически централи, строителство на хотели. Което поставя много неудобно положение директора, който вече е взел подкуп, за да разреши съответния строеж. И понеже всъщност пирамидата на корупцията обхваща и директорите на регионалната инспекция и министъра, тези експерти се превръщат в голяма пречка. И така, на фона на цялата липса на капацитет, в момента единствените хора, които имат капацитет, реално са отстранени с подобни безумия от взимането на решения. Факт е, че по отношение на участието на въобще на каквито да било други заинтересовани страни в този процес, съществуват известни правила в нашия закон. А именно, че ако се прави такава процедура за оценка, дали даден проект да се осъществи или не, трябва да има вид обществена консултация. Тоест да се даде възможност да се запознаят хората с проекта, независимо кои са те и къде се намират, евентуално да изразят своето становище. От всички възможни нива на публично участие, местно, въобще не заинтересовани страни, това е най-ниското възможно ниво. Беше голяма борба въобще и ние и за него да се пребориме да съществува. Но даже и то се избягва по един много прост начин. В повечето случаи се взима решение, че въобще такива оценки не са необходими, въобще не трябва да се обсъжда този въпрос и съответният проект се пуска без такива оценки и се разрешава. В най-малко случаи това предизвиква бурни протести сред местните хора включително. Ще цитирам само последния случай в Земенски проум, където има доста активна и доста така, мога да кажа, просветена местна общност. Проектът за изграждане на поредната водно-електрическа централа с язовир, яз, 6 метра височина, под едно от най-красивите места в България, с Какавишкия водопад. По този начин точно се опитаха да го разрешат без никакви обществени консултации. С твърдението, че той няма да увреди Натура 2000 зоната, нещо с което никой не е съгласен, нито местните хора, нито природозащитните организации. Така че ние минахме без една процедура на обжалване, благодарение на която в момента решението за това е отменено. И ще трябва да се правят подробни оценки обществени консултации. Но това пак нищо не гарантира, искам да ви кажа, защото всичко това се провежда формално. Експертите, които правят тия доклади, са в 100% от случаите плащани от инвеститори и винаги дават положителни доклади. Знаете за черния списък от подобни експерти. Може би знаете, ако не знаете, има такъв черен списък с експерти, които правят такива доклади. Нито един от тях до сега не се е разписал с официално внесен на инвеститора отрицателен доклад. Почти нито един от тях. Това е системата ни за първия стълб. За втория стълб, там където трябва да планираме управлението, така че именно да може да съчетаеме развитието с изискванията на Натура 2000, въобще не се предвиди в България да има каквито да било управителни тела на Натура 2000 зоните. Ние водихме тази дискусия с Министерство на околната среда и водите, че е абсолютно необходимо да има подобни тела, в които да има това представителство. Но това не се случи. Отговорът беше, България няма капацитет. Това на фона, разбира се, на голямото количество крадене, което се случва в България, е смешно да се каже. Защото в някои от тия Натура 2000 зони или в непосредствена тяхна близост, ежегодно се инвестират стотици милиони евро, но за едно такова тяло на никой не намира средства. В момента ситуацията е такава, че всички държавни ресурси в Натура 2000 местата се управляват от централните органи. Горите се управляват от Държавната агенция по горите, държавните гори. Държавните земи се управляват от съответните поземлени служби. Водите и геоложките богатства се управляват от Министерството на околната среда и водите. И това е общ проблем не само за Натура 2000 зоните, но и за извън тях. Местните хора практически нямат достъп до управлението на тия ресурси. Те са изцяло изолирани. И аз мисля, че в това може да се търси една от причините за това, че местните общности в България се разрушават и изчезват. Просто хората бягат от тия райони, особено от планинските места. В случаите на конфликт, когато държавата дава някакво решение за управление на съответните държавни гори или държавни води, между държавата и местните общности са са много. Просто те са десетки, стотици, може би, в страната. И случаите, в които местната общност успява да наложи своето мнение, са единици. виждал съм как буквално цяло село се подписва примерно срещу водно-електрическа централа. Цяло село. Водно-електрическа централа на хора свързани с ВИС. Знаете какво е ВИС? Никакъв шанс. България трябва да направи много сериозни стъпки въобще за промяна на своето устройство на държавата, за да може да стигнем до нещо подобно на това, което чухме тук като модел на управление. В момента единствените, и те се налагат от европейските директиви, затова ги имаме ние, инструменти за някакъв тип управление, в което могат да се включат местните, това са плановете за управление. Но в крайна сметка няма никакви гаранции, че такива планове за управление ще се правят с подобен механизъм, в който ще участват всички заинтересовани страни. Па да не говорим за това, че ще се достига до някаква форма на консенсус. Така че ние, от една страна, не осигуряваме спазването на тази рамка, за която се говореше, изискването на директивите тия зони да бъдат опазени. Ние това го нарушаваме благодарение на механизмите на корупция, които са обхванали целият държавен апарат. От друга страна обаче ние не правим нищо за устойчивото развитие на тия територии. Така че в момента в буквалния смисъл не правим нищо. На времето, тогава точно правихме Натура зоните, пътувах за един семинар от Билбао до Витория. Много красиви планини. Това е Баския, страната на баските. По целия си път аз не видях една естествена гора. Цялите планини бяха заети от интензивни култури, от горски култури. Сигурно беше случайно това, че не видях ветрогенератори по билата и водно-електрически централи по реките. Но аз видях един район, който е напълно обезлюден. Цялото население беше концентрирано в едни големи населени места, а планините бяха ресурсен център за тези големи населени места. Голямото предизвикателство, а и възможност на Натура 2000, е да помогне това да не се случи в нашите планински и полупланински райони. Но дали ще се научим как да го направим, това е друг въпрос. Това е само една възможност, която ние за сега не използваме. Благодаря. Аз благодаря на Андрей Ковачев, който представи дори за тези, които не са съвсем в течение, една гледна точка, разбира се, отстоявана от българските природозащитници. Само, че винаги, когато слушам една такава гледна точка, в мен изникват някои въпроси. И затова, преди да дам думата на залата, ще помоля за коментари Люк Бодигел, защото е интересно да чуя след българското представяне на проблемите на Натура 2000 и неговия коментар на изследовател. И въпросът, който така назрява в мене, е следният. Ако ние твърдим, че не можем да имаме доверие на местните власти, тъй като те са слаби, нямат капацитет, под контрола са на олигарси, и защо няма местна демокрация, но не можем да имаме и доверие на централните власти, на Министерството на екологията, на околната среда. Ако нямаме доверие в съда, и освен това, ето чухме за пример на едно село, което все пак се подписало срещу някаква водно-електрическа централа, но много често виждаме пасивност по-скоро на местните жители. Много често еколози се сблъскват с местни жители, които пък искат да продадат земите си. Нали? Там стъпват други интереси. На кого тогава да се доверим, питам аз? Какво е разплитането на възела? Защото единственото решение, не знам, може би така ми се стори от Андрей Ковачев, беше, че Натура 2000 се налага от Брюксел върху българското население и тя влиза в сила. А това някакси предизвиква някакви съмнения в мен, че точно така може да стане. Защото цялата лекция на Люк Бодигел беше изградена на обратния принцип. Как имате някакви правила, които въобще не са идеални? Той даже в предварителния разговор ми каза, че Франция съвсем не е страната, която в Европейския съюз дори се сочи за образец точно в материята поне на Натура 2000. Даже примерът с Испания по-скоро беше се смята се дава. И за това тези мои как да нарече, съмнения така избликват. Но аз, разбира се, искам да ги споделя и оставям ги на този момент за себе си. Нека да чуем сега коментара на Люк Бодигел. Един френски изследовател, който много внимателно познава своята рамка. Един кратък коментар върху казаното от Андрей Ковачев и после ми струва, че имаме какво всички да кажем или да обсъдим някои вече болезнени точки. Oui, deux réflexions simplement. D'abord, il ne faudrait pas croire que les zones Natura 2000 sont nées en France uniquement par la volonté de l'État et de l'Europe. Et ça fait écho à ce que vous avez dit tout à l'heure. Les associations de protection de l'environnement et les scientifiques, et notamment les scientifiques impliqués dans les associations de protection de l'environnement, ont été les porteurs de la plupart des projets Natura 2000, notamment parce que avant Natura 2000, on avait développé des inventaires écologiques, notamment les ZNIEF, je ne sais pas comment vous les appelez, zones naturelles, des inventaires faunistiques et floristiques, hein, c'est ça. Et donc, il y avait déjà une dynamique locale, hein, il y avait déjà aussi une dynamique collective qui était présente et qui a sans doute conduit à ce que les autorités avancent, malgré leur réticence. Donc ça me semble important de le noter. Et donc, il n'y a pas eu un coup de baguette magique. Le deuxième élément qui me semble intéressant, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'il y a une certaine assimilation entre, je dirais, protection des espaces naturels et Natura 2000, problématique environnementale et Natura 2000, ce qui chez nous, mais peut-être je me trompe, hein, ce qui chez nous n'existe pas véritablement parce que Natura 2000, c'est un dispositif parmi d'autres. À côté de Natura 2000, on a les parcs nationaux, on a les réserves naturelles, on a différentes législations de protection des espèces animales, de la flore, etc., etc. Je ne vais pas faire tous les chapitres du droit de l'environnement. De l'eau. L'eau est particulièrement protégée. Et donc, Natura 2000, c'est un dispositif en plus qui vient créer une autre dynamique locale, mais ce n'est pas plus que ça. Et ça, il me semble que c'est vraiment une des différences. Et puis ensuite, peut-être le lien, pour montrer que c'est un dispositif parmi d'autres, je vous ai cité le lien tout à l'heure entre protection de l'environnement type Natura 2000 et le droit d'urbanisme avec les permis de construire. Mais un autre exemple typique, c'est le lien entre Natura 2000 et la politique agricole commune et les textes nationaux droit agricole qui en découlent. Un exemple d'opposition ferme à Natura 2000 au départ, les agriculteurs disaient « Nous, on ne veut pas de Natura 2000 ». Natura 2000, c'est encore des contraintes techniques qui vont nous coûter cher. Par exemple, vous allez nous dire de faucher au mois de juillet alors que nous, il faut qu'on fauche au mois de juin. Vous allez nous dire moins de pesticides, moins d'insecticides alors que nous, la rentabilité est plus importante si on en met plus, etc. etc. Et ce n'est pas vos petits bouts... je dirais vos petites enveloppes financières que vous allez nous accorder dans le cadre de la politique agricole commune versus développement rural qui vont beaucoup nous aider. Et donc on a eu et on a encore ce type d'opposition à Natura 2000 et je pense qu'elles seront encore importantes dans l'avenir, notamment avec une règle très précise qui est la conditionnalité des aides européenne agricole, qui dit que si un agriculteur ne respecte pas la réglementation environnementale, notamment, hein, il risque de voir ses aides diminuées, suspendues, voire totalement supprimées. Donc on voit bien qu'il y a des conflits aussi d'objectifs. Natura 2000, c'est un dispositif parmi d'autres, et qui est au cœur de conflits, de logiques d'intérêt d'acteurs, mais aussi de branches du droit et de dispositifs économiques et financiers. Alors après, le reste, je laisse le débat à la salle. Да, наистина интересно да чуем първа серия от въпроси. Аз абсолютно съм съгласен. Благодаря на Люк Бодигел. Също на мен ми се струва, нали, не съм експерт, простете, външно лице, но като журналист и човек, който все пак има някакъв усет, знам, че налагането на една единствена мярка никога не дава всичко. Натура 2000 може би дава много, но тя никога не може да даде всичко. Така мисля. И точно този отказ от цялата тази опосредстваща стъпка от различни звена, наистина отдолу от инициативи, от реално законодателство, приложимо плюс това, ни е довело според мен до този възел. Аз не отричам някои от изводите на Андрей Ковачев. Може и да сгъстяваме краските, може би не. Но въпроси, нашия колега Александър Неделчев е с микрофона. Да, вие ли? Само моля да се представяте и подред, нали? Ще съберем серия от въпроси. Аз съм гостен в София и онова, което чух, е в противовес на онова, което съм изживял на младини. Роден съм под Димитровград, край река Марица, и там, поне селото, където израснах, агнетите ги продаваха с оглед да вземат парите за кожата. Пък месото им оставаше без пари и така се хвалиха хората, които купуваха агнета, защото съм водил приходящи да купят агнета и му казваха, трябва два пъти да се оягне тогава да го заколиш. Той каза, сега ти да ще прода кожата и месото ми оставя без пари. А връзката с Натура 2000 каква е? Връзката с 2000-та Натура излаза без никакво ограничение, както за французите, пък и ние българите си имаме една слабост. Квото му кажеш, го прави обратното. Добре, разбрах и нека да дадем правен с други въпроси. Ето, следващия, господин Добас, мисля, че беше. Казвам се Ради Радев. Аз само въпроси или може да се... Идеята ми е да съберем въпроси, все пак, да. Няма да задам въпрос. Моя въпрос е към гостенина и към господин Ковачев. Интересувам се колко са обектите, които влизат в Натура 2000, които са във Франция, общия брой. И също така да каже господин Ковачев, колко са обектите, които също са защитени в Натура. Защото моята информация е, че доста бяха така включени от страна на Министерството на околната среда и съответно на европейско ниво български такива обекти. И е много хубаво да се знаят и да се сравнят. Това като начало. Имам и друг въпрос, но за сега. Тук мисля, че... Така. Моят въпрос е към господина, към нашия френски гост. Много френски учени изтъкват голямите недостатъци на системата на управление на местните власти във Франция. Имал съм възможността да имам няколко беседи с професор Рене Пасе и други. И при тези недостатъци, които те изтъкват на локалното управление, ние тук виждаме, според мен, един много демократичен и разумен начин на съчетаване на проблемите на Натура. Как господин професора счита, че едно подобряване на локалното управление във Франция ще влияе на проблемите на Натура? Оде, имахте въпрос? Да. По-скоро е мнение. Действително бихме могли да завидим на френски опит не за това, не за друго, а за това, че е успял да мобилизира по някакъв начин гражданското общество да участва в решението на проблема, и то така мащабно, което при нас липсва. За сега все още пропуск на нашата демокрация е липсата на такова гражданско общество и може би още по-голям пропуск на нашата демокрация е липсата на диалог между гражданското общество и институциите. Но, аз ще ви кажа кое е предимството все пак на едно такова взаимодействие, тъй като гражданското общество дава възможност да се балансират интересите и много често дори мутрите с парите си трудно биха се противопоставили на такова обществено мнение, тъй като все пак срещу една такава ангажирана обществеността трудно би отстъпил някой. Но това, което е още по-впечатляващо и това, което би могло да се наложи като модел, е, че действително едно такова активно участие на гражданското общество в решаването на проблема дава възможност да се балансира между различните интереси. Защото, без да съм прекалено критичен към еколози, но понякога те достигат до предложения, които противоречат на тяхната собствена идеология. Ще цитирам един пример. Те се противопоставиха, примерно, на застрояването и изграждането на инфраструктура в някои райони, където биха могли да се използват от населението. И в такъв случай се поставя въпроса, добре де натурата като натура съществува ли само за себе си, а не съществува ли заради човек? А без съответната инфраструктура, без съответните писти, без съответните хотели, как би могла тя да се използва? Добре. Добре. Аз предлагам да направим... Да, може вече да. Отговор да получите. Да, все пак аз мисля, че това е най-доброто решение на проблема, тъй като, както ви казах, именно когато се струпат много мнения, когато се мобилизира гражданското общество, тогава трябва да се намери решение, което отговаря на всички въпроси. Да, благодаря. Аз още един въпрос имам, понеже разбрах, че нашия гост се занимава с изследователска работа и специално в тази област. Тук като че ли в България няма такива учени, които да се захванат с това. Нека да ни обясни как е разгърната на научно ниво тази дейност там. Благодаря. Благодаря. Предлагам все пак да чуем. Je ne sais pas si j'ai bien compris toutes les questions. Je vais essayer d'y répondre. Sur la recherche, il existe quelques chercheurs ou enseignants-chercheurs qui travaillent sur les thématiques environnementales, peut-être en France une trentaine, vraiment impliqués, 30, 40, ce n'est pas énorme. Généralement, cette recherche se développe de façon relativement indépendante, puisque en sciences sociales, et je précise en sciences sociales, nous n'avons généralement pas de contrat de type commande express d'une entreprise, et donc nous développons des recherches en fonction de nos affinités, ce qui est très important en matière environnementale. Et c'est vrai que cette autonomie nous permet de regarder les choses un petit peu plus de haut, avec sans doute un défaut, c'est que nous ne rentrons pas forcément dans un travail d'expertise en tant que tel. Ce travail d'expertise ressortant généralement plutôt de cabinets privés qui, eux, sont liés, ne serait-ce que par leur financement, à la structure commanditaire. Sur le plan plus science dure, là peut-être on arrive à d'autres choses, notamment certains contrats de biologistes peuvent parfois avoir des liens un peu plus ambigus avec certaines structures qui commandent le travail. Donc voilà, Les recherches, elles sont réalisées généralement soit de façon totalement extérieure à un contrat de recherche. Les statutaires décident de travailler sur, par exemple, ce contrat-là a été réalisé de façon tout à fait indépendante. Mais on peut aussi travailler en contrat de partenariat. Le début de ce travail a été réalisé notamment avec la commission locale qui était chargée de réfléchir à la mise en place de ce nouveau mode de gestion. Et il y avait un échange perpétuel entre recherche un peu théorique et élus locaux et citoyens, avec un jeu de questions-réponses. Donc ça peut être aussi intéressant. Les liens sont alors donc plus ambigus. Voilà, pour vous donner quelques idées, mais peut-être vous aurez des questions plus précises. Sur le dialogue entre les institutions, si j'ai bien compris la question, et la nécessité de voir Natura 2000 comme offrant aussi la possibilité d'infrastructures locales. Je ne rentrerai pas dans les débats internes bulgares, bien entendu. Simplement, effectivement, Natura 2000 permet les infrastructures. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Permet les infrastructures. Après, tout dépend des règles du jeu local que l'on s'est fixées. Et tout dépend de la nature de l'infrastructure. Tout dépend de sa nuisance sur l'environnement. Il est évident que la mise en place, par exemple, d'une station type station de ski aura un impact non négligeable sur la biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'il faut répondre par la négative. Ça veut dire qu'il faut se demander comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas cet impact. Et est-ce qu'on peut le faire ? Bon, voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la logique et les questions. Les réponses appartiendront aux groupes locaux. Sur le nombre de sites en France, excusez-moi, je n'ai pas le chiffre exact. Je n'ai repris que le site total en 2007 européen que je vous ai remis là en dessous du héron qui mange son poisson. Mais on peut le retrouver facilement, hein, il n'y a aucune difficulté. L'intérêt de Natura 2000, il y a des sites, s'il y en a qui sont intéressés, très transparents, où vous pouvez retrouver tous les documents validés, le nombre de sites, etc. Notamment les sites que vous trouvez derrière sur Google, vous tapez Google France, vous tapez DIREN, D-I-R-E-N, mais ceux qui sont intéressés peuvent me le demander par mail, par exemple, je vous les donnerai. J'avoue ne pas avoir bien compris la deuxième question qui a été posée sur la critique de la décentralisation, je ne suis pas certain. Effectivement, beaucoup critiquent. Le processus de décentralisation en France est relativement récent. Vous savez qu'on a une culture jacobine, comme on le dit, donc très centralisée. Tout vient de Paris. Vous n'avez qu'à regarder les chemins de fer en France. Et donc, ce n'est qu'à partir des années 80, véritablement, que l'on a développé la décentralisation. Et d'ailleurs, il y a un gros projet de réforme actuellement qui a été confié à un ancien Premier ministre par l'actuel président sur la réorganisation des collectivités territoriales. On ne sait pas trop exactement où on va. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les régions, ce qu'on appelle les régions, ont de plus en plus de pouvoir avec une grosse difficulté, c'est que l'argent qui était avant attribué à l'État n'a pas forcément été redonné aux régions. Coût classique dans les décentralisations. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et peut-être le deuxième élément de réponse, c'est que il y a une sorte de concurrence et un problème théorique de démocratie entre une décentralisation où on a les représentants du peuple et une gouvernance qui, certes, est gérée en partie par les gouvernements du peuple, mais pas seulement. Quelle représentativité ? C'est tout le débat autour de la démocratie locale. Qui a le droit de décider, etc., etc. Donc ça, on pourrait en discuter pendant longtemps. Et on a une forme de concurrence réelle, d'autant plus que dans les comités de pilotage, d'autant plus que les comités de pilotage gèrent des zones qui sont plus larges que les communes, les villes, et qui vont donc intéresser plusieurs villes, plus une autre collectivité territoriale qu'on appelle le département, qui est une circonscription un peu plus grosse que les villes, plus la circonscription qui est plus importante, qui s'appelle la région. Et donc, forcément, on a des jeux politiques et des combats entre les communes. Imaginez des petites communes rurales qui, généralement, depuis, on va dire, des générations et des générations, se tapent l'une sur l'autre politiquement, etc., ou pour diverses raisons. D'abord, parfois, on a même oublié la raison, qui doivent aujourd'hui se débrouiller pour s'accorder au sein d'un site dont on ne sait pas véritablement si on va pouvoir en profiter. Voilà, quelques éléments de réflexion. Благодаря Люк Будигел за тези наистина не просто елементи от отговора, за наистина размишления, които за мен дават интересни писти и в българския дебат. Сега, може би, Андрей Ковачев, един кратък коментар. И след вече... Значи, аз бих искал да се върна на това управление отдолу нагоре. То е единственият изход. Но да приемем днешните български общини, техните ръководства, като реален израз на едно истинско самоуправление, просто не отговаря на истината. Когато казвам, че те имат нисък капацитет, това е най-малкият им проблем. На втория месец от местните избори тези общини почват да правят неща, които предизвикат местни бунтове. Защо? Вече говорих за икономическата обвързаност. Реално това, което аз пак го повтарям, защото го казах, ние се нуждаем от механизми, които действително на базата на консенсусни принцип на взимане на решение, да включат различните заинтересовани страни, което включва местните хора, което включва и природозащитните организации, което включва правителството, което включва бизнеса и така нататък, но на консенсусен принцип. В България в момента се управлява по принципа на силата. Ние нямаме нито един орган, който да работи на този принцип, нито един в тази страна. Да не говорим за култура в това отношение. Това по отношение на този проблем. За проблема с инфраструктурата в Натура 2000. Нашия проблем е, че ние нямаме визия за развитие на Натура 2000. Категоричен съм, че ски курортите на мутрите и на Първа инвестиционна банка и на офшорните компании не е устойчивото развитие, от което се нуждаят местните общности. Точно това е бизнесът, който ще додаде най-малко добавена стойност и в икономически и социален аспект за местните хора. Ние все още го виждаме бизнеса като скипистите, плажа, ресторанта, хотела. Ние все още не можем да си представиме онзи тип селски туризъм, който не е селския туризъм на екопатеката, както също така се опитваме да си го представим и виждаме, че не става. А онзи туризъм, който позволява почивка, рекреация в тези планински и полупланински райони. Но това означава, че тогава, когато човек отиде в този център за туризъм, той трябва да може 14 дена да стои там и всеки ден да се занимава с нещо различно. Атракция. Това е мисленото, което го няма. И това е пътя на развитие, който може да намери съчетание с изискванията на Натура 2000. Така че, нека да бъдем по-задълбочени в анализа си на това, което се случва в България и на това, защо нещата не върват. Затова казах, ние в момента нито развиваме районите, защото Банско не е развитие. Нито опазваме Натура. Ние обричаме едните райони на тотално нулеви инвестиции. Аз мога да ви кажа, че примерно в Натура 2000 са хората, са малко там, които искат нещо да направят, но са толкова малко, че нямат капацитет. Примерно Бобошево. Имат минерални води в населеното си място. В Натура са, искат Натура. Искат да развиват нещо, но нямат капацитет, защото Бобошево. В общината работят хора от Кюстендил, защото в Бобошево не могат да намерят млад човек да стои на гишето в общината. И там няма никакви инвестиции. Едновременно с това мутрите изсипват парите примерно в Банско или на друго място, само и само за да правят спекулативния бизнес с имоти. Но това пак не е развитие. Тоест, ние в момента имаме едни загиващи местни общности. И ски-курортите са най-малкото нещо, което ще помогне на тия общности. Затова казвам, че Натура е инструмент за развитие на местните общности, който обаче ние не умеем да прилагаме, просто защото цялата ни държава е една странна. Така, гледната точка на Андрей Ковачев. Може би да включим и тази част на залата. Подлагам на нашия колега Александър Неделчев. Тя реагираше така бурно в част от дебата. Добър вечер. Чува ли се? Заповядайте само да. Борислав Сандов, се казвам от Зелените. Имам два въпроса и към двамата участници в дебата. Ще ми се да поговорим малко за възможностите, не толкова за проблемите. Разбрахме, че проблеми действително има много и конфронтация. Искам да разбера как във Франция информацията стига до местните общности, които са в територии, заети от Натура 2000 зони. Как се предоставя информация за това какви форми на развитие трябва да има самата местна общност, какъв бизнес е препоръчителен, как те могат да се възползват от добрите страни на Натура 2000. Защото ако говорим в България, че 80% от хората знаят какво представлява Натура 2000, то те го знаят заради протестите, а не заради кампания, която е направена от държавата. И всъщност те знаят за Натура 2000 именно от тази гледна точка на нещата. А те не могат да разберат какви са всъщност перспективите на тази зона. Затова нали въпросът ми е как във Франция, за да направим един паралел с България, как във Франция използват информацията, въобще обучението на хора, които да информират местните общности. И към Андрей Ковачев пък въпрос, какви политики трябва да се предприемат в България, за да се стигне до един такъв модел, държавата да упражни това си свое задължение да информира местните общности. Благодаря. Да, благодаря ви и аз. Да, и следващ въпрос. Найден Чакъров. Първо, искам да попитам, тъй като Натура 2000 селективно налага ограничения за такви дейности се развиват в зоните, доколкото ми е известно в България, въпросните ограничения са много зле селектирани. В смисъл, че най-често е забранено върху над територията да се прелита с моторен или безмоторен самолет, в равнините да се развива ски туризъм, в планините да се развива голф и така нататък. Това доколко, да речем, проблеми на Франция и смисъл може да се коригира тук. Другия ми въпрос е, разбира се, тъй като и Франция не е най-положителния, смисъл, не е перфектен пример явно. Коя, имате ли наблюдение, коя страна най-добре използва Натура 2000, европейска страна, за развитие на местната икономика и опазване на природата? Благодаря ви, въпрос за идеалността. Да, тук виждам въпрос. Вера Генова, аз искам да попитам Люк Бодигел какъв е механизъмът за създаване на тези пилотни комитети във Франция? Как бяха създадени тия пилотни комитети по места с представители на местната власт и на различните заинтересовани слоеве като механизъм и финансиране? Как се стимулират хората да участват в тях и да бъдат чути? И към Андрей Ковачев, доколко при нас има шанс някакъв такъв модел подобен с такива представителства на различните интереси? Има ли още въпроси? Добре, последен, може би, защото припомням, че времето напредва, тъй като ни чака и филма. Вече, да, два съвсем кратки въпроса към френската и българската страна съответно. Какъв добър пример можем ние реално да ползваме от Франция? Въпросът ми е към Андрей Ковачев. Дали той е запознат и дали може да това събитие днес да послужи като един такъв контакт на обмяна на опит с цел по някакъв начин тук да тръгнат нещата. Добре, благодаря ви. И ако може, просто искам да попитам и френският лектор. Доколко той е запознат с цялата кампания за Натура 2000 в България, не само от научна гледна точка, колко зони са влезли, с какви местообитания, но става дума за гражданската кампания, за гражданското общество. Това ли бяха въпросите? Само видях, добре, вие сте последни, наистина, за да може да ги обобщим. Те и някои се повтарят, но наистина интересни, но да се допълват едни и други. Да, там. От времето на откриването на Америка от Колумб виждаме пораженията на устойчивото развитие. Е ли Натура 2000 условие за устойчиво съхранение на мира между човека и природата? Добре, благодаря. Е лесно с отгоре на толкова много въпроси, да предполагам, че ще ги ущим един по един. Тъй към Андрей Ковачев, логично вероятно. Thank you. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Ma connaissance des sites et des politiques de la politique et notamment de la politique d'information menée en Bulgarie, aucune. Peut-être parce que je ne suis pas assez curieux, mais aussi sans doute parce que cela ne remonte pas assez, et surtout parce que nous avons un projet de recherche déjà proposé en France, c'est-à-dire que l'on va chercher des financements auprès de l'État et de l'Europe sur une analyse comparative, notamment des sites Natura 2000, pas seulement, mais que pour le moment, nous n'avons pas réussi à décrocher le financement, nous n'avons pas dû être suffisamment persuasifs, et nous recommençons l'année prochaine à le faire. Donc, pourquoi pas la Bulgarie ? Ce qui répond aussi en partie à la question de tout à l'heure sur quels pays européens, donc je vous dis, quels pays européens sont les plus performants ? Je ne sais pas, il y a les rapports officiels. Hein. Je pense qu'il faut aller un petit peu au-delà, comparer ce qui est comparable et uniquement ce qui est comparable en fonction des modalités de gestion choisies. Et voilà, donc réponse au prochain épisode si nous avons l'occasion de nous retrouver. Restriction des activités économiques. Toutes les activités économiques qui conduiraient, qui ne sont pas déjà en place sur les zones Natura 2000 et qui conduisent à détruire la nature, l'état de nature tel qu'il a été décrit dans les documents d'objectifs, sera interdite et quasiment impossible à développer, à moins de réussir à trouver des compensations, à discuter avec les acteurs. Mais en principe, vous n'aurez pas le développement d'une porcherie industrielle dans un site Natura 2000 dès lors que cette porcherie n'existait pas avant. Et ce, pas seulement en raison de Natura 2000, mais aussi d'un autre régime qui s'appelle les installations classées. Il n'empêche quand même qu'en termes, par exemple, d'infrastructures routières, la question se pose. Et là, on voit bien le choc entre l'intérêt « je développe une grande route » qui peut avoir un impact très, très important. Je pense notamment à une grande zone humide, une grande zone de marais sur l'ouest de la France, ce qu'on appelle même la Venise verte, avec un gros projet d'autoroute qui voulait passer au milieu. Une grande partie de la zone est couverte Natura 2000. Le projet a été déplacé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et en plus, cela pose le problème, déplacer où et au détriment de quelle autre biodiversité? Je vous ai dit, je vous poserai que des questions. Autre question sur les informations. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris la question. Si j'ai bien compris, il s'agit des informations, enfin, on va dire l'information à la fois du citoyen et aussi l'interrelation entre État et collectivité territoriale. C'est bien ça ? Alors, l'information du citoyen, elle est d'abord venue, c'est ce que je disais tout à l'heure, par la base, c'est-à-dire les militants de l'environnement, les scientifiques et aussi l'administration lorsqu'elle a été obligée de faire les inventaires écologiques, notamment les inventaires SNIEF. Donc on a déjà une première montée comme ça, en puissance. Aussi, une certaine pression médiatique qui vient s'ajouter à cela à partir, je vais dire, de la fin des années 80, vous avez vu, on n'est pas trop précoce, et qui monte dans les années 90. Ensuite, on a l'information qui est institutionnalisée. Les comités de pilotage doivent donner des informations régulières aux collectivités territoriales et à l'État. Et l'État doit donner un rapport à l'Union européenne, donc on a des échanges d'informations institutionnelles. Ensuite, on a eu le développement, un gros, gros développement d'informations sur la base du net. Les administrations développent, mais vraiment puissamment, ça, pour une fois, on a un peu de transparence, développent véritablement des sites de qualité, qui pour l'instant ne sont encore accessibles. C'est une obligation d'ailleurs, de la communauté, mais bon. Donc ça, c'est encore une autre source d'information. Et puis ensuite, je dirais, c'est l'habitude de travailler ensemble. Ça paraît peut-être un peu stupide de dire ça. Mais en même temps, c'est bien réel. Les représentants de l'État au niveau local, et notamment les représentants agricoles, étaient généralement très liés avec les représentants de l'environnement, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'ils gèrent certains dossiers en commun. Et ensuite, ils se sont retrouvés à la tête de ce système à développer qui était Natura 2000, et ils ont été chercher les acteurs ou les acteurs ont été les chercher. Et au fur et à mesure, ils essaient de trouver des modes de travail en commun. Et c'est là qu'elle se fait la plus grande information. Elle est fondée sur l'interrelation avec toutes les limites qu'elle a et puis aussi avec la difficulté de la copier ou de dire « Ah ben ça c'est bien, on va le reprendre pour le faire ailleurs ». Alors ça me permet peut-être de faire le lien avec une des autres questions. Qu'est-ce qui est bon à prendre comme exemple en France ? J'aime pas trop ce genre de questions. Malgré la caricature des Français qui non seulement grognent, ont une baguette sous le bras et en plus ont un ego hypertrophié, je dirais ne prenez pas d'exemple. Par contre, ce que je pense, c'est que ce qui est intéressant, c'est de faire des jeux de miroir. Qu'est-ce qui se fait chez vous ? Qu'est-ce qui se fait chez nous ? Et là, on regarde. Qu'est-ce qui est transposable ? Pas transposable. Je ne peux pas dire l'expérience comité de pilotage est bonne à prendre chez vous, vous n'avez absolument pas la même structure institutionnelle, si le maire de vos communes n'a pas les mêmes pouvoirs. Par contre, comment on peut faire pour développer, développer les échanges d'informations et pour essayer de travailler ensemble ? Ça, c'est autre chose. Donc, je suis très prudent avec les modèles, je ne suis pas économiste, et on a vu avec la récente crise financière qu'ils se trompent souvent. Natura 2000, développement durable, protection de l'environnement. Si je ne me trompe, c'est la dernière question que l'on m'a posée. Mais... Ah non, il y en avait une autre. D'abord, création des comités de pilotage, pardon. Création des comités de pilotage, c'est le préfet qui est aux commandes, donc le représentant de l'État. Mais bien évidemment, en fonction des particularités locales, il est obligé, d'une part, il est obligé par la loi d'y intégrer les riverains et les élus locaux. Et en plus, il est indirectement obligé par la loi et par les pressions locales d'intégrer les autres groupes de pression, c'est-à-dire les acteurs économiques, agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, tourisme rural, protection de l'environnement, etc. Et d'ailleurs, s'il veut que ça fonctionne, il faut qu'il mette tout le monde dans le bain. La question qui se posera derrière, c'est qui a les compétences, qui a le temps et qui a le pouvoir d'expertise ? Parce que personne n'est rémunéré. Personne n'est rémunéré pour le moment. Le seul qui peut être rémunéré, c'est l'opérateur ou l'animateur qui est la structure opérationnelle, gestionnaire du site. Mais dans le comité de pilotage, on a affaire à un groupe de direction. Ouais. C'est un peu différent. Parce que c'est le préfet qui valide, qui est l'autorité de l'État. Mais aujourd'hui, c'est souvent le président du conseil régional ou son représentant qui va devenir le président du comité de pilotage. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant 2005, la loi donnait à l'État la présidence et que depuis la loi qu'on appelle développement des territoires ruraux de 2005, ce sont les collectivités locales qui ont ce poste ou qui devraient l'avoir. Donc, sur la dernière question, qui est effectivement la question de base, mais qui renvoie en fait à la notion de développement durable. Avant la notion de développement durable, on avait les antidéveloppementalistes. On a aujourd'hui les mouvements pour la décroissance. Et il est certain que ces mouvements-là s'opposent en grande partie à la notion de développement durable, qui tente un exercice totalement périlleux, de jongler entre un concept développé essentiellement au XIXe siècle qui est un concept et un mythe, c'est le progrès, qui est quand même toujours le mythe fondateur de nos sociétés hein, et auquel on se raccroche toujours. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la crise financière. Et qui dit il faut que tout le monde progresse. Pour que tout le monde progresse, eh bien, tiens, on va essayer de concilier les choses. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui sont contre l'idée de développement durable disent on essaie de concilier des choses qui sont inconciliables. Je n'ai pas de réponse. C'est une réponse politique, c'est une question de positionnement militant. Ce n'est pas la question à poser à l'expert, ou en tout cas pas aujourd'hui. Благодаря на Люк Бодигел. Той наистина направи невъзможното почти. 6 въпроса в един отговор. Тъй като виждам вече и Антони Дончев, който завежда филмовата програма на Червената къща. Значи време е с малко за филма. Последни заключителни думи или отговори на Андрей Ковачев. Въпрос за политики, доколко си спомням. Въпрос за модели. Ще започна с модела. Модела на тези местни съвети е почива на два принципа. Включване на всички заинтересовани страни и консенсусното взимане на решения, както ни беше представен. Приложен независимо от нашата различна структура. Тези принципи, изграждането на такова тяло не може да не успее, ако бъде направено. Значи, тезата, че хората тук не са подготвени, просто не е вярна. Ние имаме един много друг голям проблем, че ще имаме изключително съпротива срещу подобни принципи. Това, че в България в момента никъде не се прилага принципа на взимане на решения чрез консенсус, има една проста причина. Това е принцип, който би застрашил директно олигархията. Той би направил немощна. Заради това и не се случва. Тоест, аз в момента не е въпросът дали би сработил, а въпросът е как ние да успеем да направим подобни модели на управление и как да се преборим с тази олигархия, която всячески създава механизми, които извеждат хората извън управлението и ги държат на разстояние от него. По отношение на другите политики, защото това е един от отговорите ми. Да, това е една от политиките, които ние трябва да имаме, за да може да управляваме успешно натура местата. Има още един много важен момент. Олигархията не се интересува от едно действително устойчиво развитие на страната. Основен инструмент това е планирането. Стратегическото планиране. На местно, регионално, национално равнище. Ние в България нямаме нито един пример на добър план. Независимо в коя и да е било сфера. Дали ще бъде развитие на туризма, дали ще бъде някакво друго развитие, ние нямаме нито един добър план. При нас плановете се използват за пробутване на съответните интереси и само един индикатор е достатъчен, за да ви покаже, че това е така. Във всеки един план трябва да се разглеждат различни стратегии, алтернативи за развитие и тяхното сравнение, защото точно това е силата на планирането. Сравнението между различни алтернативи. Дайте ми един план в България, който има алтернативи в себе си. Правилното прилагане на инструментите за планиране е другия отговор. Защото това е начина противоречията да бъдат изгладени и да се върви в, и да се върви в някаква посока към устойчиво развитие. Това не се случва пак поради същите причини, както не се случва и първото нещо. И тук вече е въпрос на нашата зрялост като граждани, дали ние ще можем да наложим управленчески модели, които да се противопоставят на олигархията. Само искам да завърша. Това е до доклад на Световната банка. 120-150 души държат почти целия брутен вътрешен продукт на България. Аз повече не искам да коментирам. В смисъл, това е диагноза. И това е диагноза за тежка болест, която с слаби лекарства няма да може да се оправи. Тук слагаме точката на нашата дискусия. Наистина благодаря на всички. Благодаря на нашия френски гост Люк Бодигел. Благодаря на Андрей Ковачев. Първа конференция от цикъла Европа минава на зелено. Да кажа, че партньорите още един път, както винаги накрая се припомнят, Френски институт, да не изпусне някой. Разбира се, Червената къща, RFI България, чието представител съм аз, Горичка Utilities. Тази неделя между 10 и 11 ще се опитам да подбера някакви части от тази наистина много обширна и богата дискусия. Сега след Антони Дончев допитам, след 10 минути предполагам, филма Ян Артюс Бертран, наистина много интересно, но трябва малко техническа подготовка за него, така че глътка въздух. Тук, да. Час и половина е филма. С изключителни кадри. Така че сега вече започва техническата подготовка. Така ще бъдат. Да кажа накрая, че различни. Да, този цикъл Европа минава на зелено. Разбира се, ще включва най-различни гледни точки и гости. Следващия ни гост, мога да ви кажа, това е 16 март, съвсем скоро, Клод Мандил. Темата е енергетика и устойчиво развитие. Нашия гост е бивш директор, то генерален директор на Международната агенция за енергия. Точно така е на 16-ти. Преди 16-ти няма. Не. 3 март е национален празник.